ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Alphonse Kouimana sur la mise en onde, c'est dans l'espoir que vous avez passé une agréable journée dominicale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition langue française que nous débutons avec les principaux titres. Trois personnes de la commune Mouhouta, nous sommes en province de Rumonge, restent introuvables après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur certaines collines de cette commune. C'était ce samedi. Vous entendrez les détails dans ce journal. Et les habitants de la commune Kayanzapene pour avoir certains documents administratifs nécessitant les signatures au-delà des compétences de l'administrateur d'intérim en cours de fonction et sont obligés de se rabattre aux communes administrateurs des communes environnantes. Et nous aurons les détails avec Patrick Nsengiyumba. Et nous sommes dimanche. Vous aurez droit à la chronique nutrition. Et dans ce journal, on découvre les bienfaits de la noix de coco avec Gilbert Nangwahafi qui est chercheur nutritionniste. Voilà pour le sommaire. Débutons ce journal par cette brève en sécurité. Trois personnes, dont une femme et deux enfants de la commune Mohota, nous sommes dans la province de Rumonge, restent introuvables suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur certaines collines de cette commune. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la Sécurité publique, la population de cette localité, qui ne croit plus à la vie de l'heure, s'inquiète que ces trois personnes seraient emportées par le glissement de terre survenu sur la colline Kiromwe et qui les aurait surpris en pleine activité champêtre dans la vallée de la rivière Nyamusenyi. Jusque dans l'après-midi de ce dimanche, les opérations de sauvetage relèvent certaines traces par la découverte des objets que porterait la victime, la femme, à savoir le pagne et la chemise, a conclu le commissaire communal de la police en commune Mouhouta. Et Kefani Vizi, président du Parti Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi, la Guiganda Daiko Debou en sigle, est libre depuis ce samedi. Il avait été arrêté mardi 17 octobre et détenu à la prison centrale de Mimba, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État après être auditionné par le procureur général de la République. Sa formation politique redoutait déjà que sa détention faisait suite à une publication faite sur le compte X du parti Kodebou, par lequel le président de ce parti donnait son opinion sur la vie socio-économique du pays à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, Prince Louis Gwagasole. Certains leaders des partis politiques avaient également plaidé pour sa libération, considérant que son opinion ne valait pas l'emprisonnement. Et une peine carcérale d'entre une année et cinq ans, laquelle s'ajoute une amende variant entre 100 000 et 1 million, ainsi que la vente aux enchères des produits saisis. C'est le jugement rendu ce samedi par le tribunal de grande instance de Makamba contre quatre hommes accusés d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale en pratiquant la fraude. Au cours de l'audience, certains ont plaidé coupables alors que d'autres ont balayé d'un revers de la main toutes les allégations à leur charge. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal, rendons-nous dans la province de Kayanza où les habitants de la dite commune Kayanza grognent qu'ils obtiennent difficilement certains documents administratifs nécessitant la signature de l'administrateur du fait que cette entité administrative est dotée d'une administration ad intérim il y a à peu près deux mois. L'exemple donné est celui de la carte nationale d'identité où les demandeurs sont obligés de se confier aux administrateurs des communes proches de la commune Kayanza pour en obtenir. Rémi Tshishahayo, gouverneur de la province de Kayanza, tranquillise que la commune de Kayanza va avoir bientôt son administrateur définitif de Kayanza. On va appeler Patrick Nsengiyumba. L'ancien administrateur de la commune de Kayanza a été suspendu de ses fonctions en date du 28 août 2023 sous l'ordonnance du ministre ayant l'intérieur et la sécurité publique dans ses attributions. Le lendemain de sa destitution, Sagouye Sylvestre, qui fut secrétaire exécutif et permanent de cet administrateur, a été nommé par le conseil communal pour assurer l'intérim de son poste d'administrateur communal de Kayanza. Au moment où la loi organique du 19 février 2020 portant organisation de l'administration communale signée par le président de la République public stipule que dans de telles conditions, le conseil communal procède à l'élection d'un nouvel administrateur dans les 30 jours qui suivent. En commune de Kayanza, il y a 55 jours que son poste d'administrateur communal est encore vacant. Consécutivement à cette situation, certains des documents administratifs nécessitant la signature de l'administrateur communal ne s'acquièrent pas facilement. L'exemple est celui des cartes nationales d'identité, où les demandeurs sont obligés de se confier aux administrations communales Murta et Gatala, proches de la commune de Kayanza. Un autre document que la population de la commune de Kayanza déplore qu'elle ne trouve pas à cause de manque de l'administrateur communal est l'attestation de possession d'une parcelle. À ces grognes des uns et des autres parmi les habitants de la commune de Kayanza, Rémi Tshishahayo, gouverneur de la province de Kayanza, tranquillise que très prochainement la commune de Kayanza sera dotée d'un nouvel administrateur. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumba pour toutes ces précisions et célébration ce 22 octobre de la journée mondiale du Bégéma. Et au Burundi, la marginalisation des personnes qui bégayent reste parmi les défis auxquels font face cette catégorie de personnes. Et William Bimadzoubouté, représentant légal de l'association Appui au Bég, demande que des recherches sur la prise en charge du bégaiement soient parmi les priorités du gouvernement burundais et des psychologues. Suivez. La difficulté que nous rencontrons, c'est que le gouvernement n'a pas encore mis les conventions entre les autres pays pour cette célébration. Mais nous espérons, au fil du temps, qu'on aura une aide en passant par le gouvernement, qu'on va le célébrer, étant à l'aise, même les membres du gouvernement vont venir nous soutenir. Même si au Burundi, nous avons beaucoup de spécialistes qui vont nous aider en prise, ils ont essayé à nous mettre ensemble. Nous avons les psychologues qui aident les enfants à traiter ce problème de bégaiement. Un psychologue burundi, il nous aide à continuer de faire les recherches sur la prise en charge du bégaiement et sa mise en application. Les enseignants même nous favorisent le droit d'expression en classe à l'endroit des enfants bègues en milieu scolaire, tout en interdisant les condisciples de... On n'est pas se moquer de l'autre, ou s'entretenir entre eux. Ce que nous demandons au gouvernement est d'octroyer des bourses d'études au Burundi pour faire la formation en orthophonie afin de revenir faire leur tour, la prise en charge du bégaiement dans notre pays. Autre chose, nous demandons au gouvernement de mettre en considération les bègues lors des passations des tests pour le recrutement. C'était William Bimadzoubouté, représentant légal de l'association Appui aux bègues, en signalant que la célébration de la journée mondiale du bégaiement sera célébrée au Burundi le 25 octobre en province Bubanza. Et du droit de l'homme à la page agriculture, certains des agriculteurs des pommes de terre en commune Mugamba et Matana et dans les localités de la province de Bururi qui n'ont pas encore procédé au semis craignent qu'ils peuvent subir des répercussions suite au manque de semences. Les agriculteurs craignent déjà la famine alors que cette culture était beaucoup productive dans cette province. Et Prosper Ndaï Diga, responsable du projet Résilience et Prospérité de petits exploitants agricoles face au changement climatique dans les communes, indique que les multiplicateurs de semences seront bientôt encadrés. De Bururi, on l'appelle Zenon Zambimana. Certains parmi ces agriculteurs qui grognent sont les représentants de différentes associations agricoles des collines Gisalenda, Enhega en commune d'Omatana et Mota dans la zone Kibézi de la commune Mugamba. Ces agriculteurs disent qu'ils avaient élaboré de grandes étendues, mais font face jusqu'à maintenant au manque de semences de pommes de terre. Ils grognent qu'ils risquent de mourir de faim, alors que cette culture de pommes de terre était beaucoup productive dans la province de Bruli. Les mêmes grognes se font entendre également chez d'autres agriculteurs des autres localités de la province de Bruli, suite à cette carence de semences de pommes de terre, comme le confirment également les autorités administratives de la province. Des perturbations climatiques observées la saison culturelle de l'année écoulée dans tout le pays sont à l'origine de cette carence de semences de pommes de terre, selon le Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bruli. Pour pallier à tous ces défis, le projet Résilience et Prospérité des petits exploitants agricoles face au changement climatique au Burundi a été lancé ce jeudi à Matana, un projet qui sera exécuté dans les communes de Matana et Mugamba par l'organisation Ripple Effect, avec un montant de plus de 2 milliards de francs burundais. Prosper Ndaiziga, responsable de ce projet dans ses communes, fait savoir que l'encadrement des multiplicateurs de semences est parmi les priorités de ce projet, et les participants de ce projet qui va durer 3 ans sont dénombrés autour de 1000 ménages dans ces communes si citées pour arriver aux pratiques agricoles rémunératrices. Parmi d'autres priorités de ce projet figure la fourniture des semences améliorées, des ports et de la paix aux agri-éleveurs, sans oublier la promotion des variétés de cultures résistantes aux maladies et à la sécheresse, comme les colocases, les patates douces et les bananiers. L'administration provinciale de Bruli et les participants de ce projet disent que c'est un offre de soulagement pour ces communes de Matana et Mugamba, mais demandent que ce projet soit exécuté également dans toutes les communes de la province de Bruli. Depuis Bruli, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Zambimana et de Bururi Cap sur le Rumongue pour vous dire que les palmiculteurs de la province Rumongue sont appelés à espacer les plants pour associer les cultures vivrières afin d'accroître les rendements pour les palmiers et pour les cultures vivrières. Cet appel est de Jean-Marie Tchongera, directeur du bureau provincial de l'enseignement de l'environnement, agriculture et élevage de Rumongue lors d'une réunion de développement de cette province. Il demande aux autorités administratives de s'investir dans la sensibilisation des palmiculteurs, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? Selon Jean-Marie Tchongera, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage en province Rumongue, des palmeraies sont nombreuses dans cette province et c'est une bonne chose. Mais les palmiers ne sont pas assez espacés et les jeunes plants issus des noix de palme tombées par terre ne sont parfois pas arrachés, constituant ainsi une palmeraie avec de nombreux palmiers mais avec une faible productivité. Dans une réunion des natifs de Rumongue pour le développement de cette province, le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumongue a expliqué que des études faites montrent que si par exemple on réduit à moitié une palmeraie comptant 100 plants de palmiers, on obtient de l'espace pour les cultures vivrières comme le maïs, le haricot et le riz. En appliquant les fertilisants à ces cultures vivrières, on fertilise en même temps le palmier à huile et les palmiculteurs gagnent sur les deux plants. Alors que, à l'état actuel des faits, les régimes de palmiers sont trop petits, des régimes de palmiers seront plus grands à côté de la production vivrière, dit ce directeur du bureau provincial ayant l'agriculture dans ses attributions à Rumongue, citant des expériences déjà faites en zone Buruhukiro. Pour lui, l'espacement dans les lignes entre les palmiers actuellement de 9 mètres devrait passer à 15 mètres pour avoir les résultats escomptés et l'administration locale devrait s'investir dans la vulgarisation de cette nouvelle technique. Jean-Pierre Misako depuis Rumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et juste pour vous signaler que dans la chronique Nutrition, on parlera également des bienfaits de la noix de coco. Mais avant, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, on est au niveau de l'actualité régionale et que des pétroliers sont en grève depuis vendredi. Selon la radio Nisieno Kapi, ces pétroliers en République démocratique du Congo et précisément à Lubumbashi ont mis des clés sur les paillassons depuis deux jours après un préavis de grève adressé au ministre de l'économie par les pétroliers. Et ces derniers, à travers la Fédération des entreprises du Congo, indiquent qu'ils croupissent sous les poids d'énormes pertes et manquent à gagner non remboursés par le gouvernement congolais depuis plus d'années et de la non-application de la non-publication de la nouvelle structure des prix. Ils observent un mouvement de grève et déplorent le non-respect des engagements pris par le gouvernement le 30 septembre dernier à Lubumbashi. Et le gouvernement a rassuré à travers le compte rendu du Conseil des ministres vendredi dernier que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Et cette annonce a été faite au cours de la réunion des conseils des ministres tenue à Kinshasa. Et cette grève poursuit la radio onusienne Okapi, crée déjà la spéculation des prix chez les revendeurs et les prix de la course de transport en commun sont passés du simple au double. Et certains endroits, poursuit cette radio, le litre d'essence se vend jusqu'à 5 000, voire même 6 000 francs congolais, soit 2,4 dollars américains, au lieu de 3 493 congolais, soit 1,3 dollars américains. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Et la noix de coco contient une protéine qui pourrait avoir un effet bénéfique sur le cholestérol. Et riche en potassium, l'eau de coco permet de lutter contre l'hypertension artérielle. Et c'est le Gébert Nangwarafi, chercheur nutritionniste. Elle permet également de lutter contre les effets d'une alimentation trop salée et de réduire le taux de mauvais cholestérol. Chronique nutrition d'aujourd'hui est signée Jamari Mayong. La noix de coco, comme l'explique Jubé Nanghuafi, chercheur nutritionniste, grâce au taux élevé de potassium, la noix de coco soulage les douleurs liées à la digestion. L'huile de noix de coco est très utile pour notre organisme, notamment en donnant la souplesse au niveau de la peau, en hydratant aussi notre peau et donner sa douceur. Grâce au taux élevé de potassium, les fibres alimentaires ainsi qu'aux nombreuses enzymes naturelles bio active, le noix de coco peut soulager les douleurs liées à la digestion comme les brûlures de l'estomac ou comme le reflux gastro-œsophageux. Le noix de coco renferme aussi d'autres minéraux comme le potassium, le magnésium, mais aussi des acides gras à chaîne moyenne. La noix de coco est une excellente source d'énergie durable. Les acides gras à chaîne moyenne sont rapidement métabolisés par le foie et transformés en acétone qui va fournir une source d'énergie immédiate pour le corps et le cerveau aussi. Le noix de coco garantit aussi une meilleure digestion et allège le risque d'AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, limite aussi la tension artérielle, maintient aussi l'équilibre acido-basique de notre organisme. Il s'agit d'un minéral alcalinisant. La noix de coco, selon ce chercheur, est un véritable aliment pour renforcer le système immunitaire grâce à sa richesse en cuivre. La noix de coco est un véritable allié pour renforcer notre système immunitaire grâce à sa richesse en cuivre, mais aussi en acide hyaluronique, acide gras présent dans le lait maternel, connu pour ses vertus médicinales, antivirales, antibactériennes, antifongiques. Le noix de coco est une excellente source de fer. Le fer est essentiel au transport de l'oxygène à la formation des globules rouges et dans le sang. Il joue aussi un rôle très important dans la fabrication des nouvelles cellules, d'hormones et des neurotransmetteurs. Pour la préparer, il faut tout d'abord choisir la noix de coco fraîche et la mélanger avec d'autres aliments. Il faut tout d'abord choisir la bonne noix de coco. En procédant de la manière suivante, il faut secouer le noix de coco près de votre oreille et vous devez entendre le bruit de l'eau de coco crapoter à l'intérieur. On peut le préparer en salade, en tarte ou agrémenter un plateau de fromage. Il s'insère aussi dans des plats sucrés ou salés. Il participe aussi dans la synthèse des salades. On peut le transformer en jus ou on peut le consommer tout entier à l'épluchage, consommer son chou, donc le blanc de l'intérieur, mélanger aussi de son nom. On peut le prendre aussi sous forme de jus, à le mélanger avec d'autres jus. La noix de coco trouve son origine en Asie du Sud-Est et de la Polynésie et a été découverte par Marco Polo à la fin du XIIIe siècle. Jean-Marie Mayonga, merci pour toutes ces précisions et merci également au chercheur nutritionniste Gilbert Nangwahafé. C'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Denis Mungere. Bonsoir à tous. Au revoir.